les matins en regardant passer ce train qui m'emmènera au paradis, qui traversera tous ces pays. Me retrouver seul sur une île paraît un rêve difficile. Je veux pourtant tout reconstruire, me fabriquer un avenir. Si facile, les filles sont belles et si dociles, les grandes plages de sable fin, plein de couleurs et de parfums, pas de camions et pas d'usine, juste la mer dans la vitrine, les yeux fixés sur l'horizon, dans le pays des Robinson. Je veux seulement vivre ma vie loin d'ici et oublier les interdits loin d'ici. Trouver l'espoir qui me guérit loin d'ici. Avoir la force de dire oui. Quand le soleil repeint la terre, il se marie avec les fleurs et le turquoise de la mer. Les feuilles géantes des palmiers transforment le vent en musicien. Je ferme les yeux, je suis bercé, plus de violence ni de chagrin. Ici l'argent